spice. C'est pas méchant, c'est parce qu'on sent la pisse. Les jeunes veulent pas de la mémoire des vieux. Les nouvelles technologies trouvent ça mieux. Moi je m'en fous, j'ai trouvé un peu enfer dans une petite eau là avec plein de pervers. Les infirmières, tous les jours se mettent à pleurer. On fume des bêtes, même au petit déjeuner. Moi mon hospice, c'est le party. Morphine gratos tous les midis. Les pistolets sont remplis de bière. C'est la vie de pervers pépère. Moi mon hospice, c'est le party. Morphine gratos tous les midis. Les pistolets sont remplis de bière. C'est la vie de pervers pépère. Quatre ans sans merde, on fait des trucs marrants. Dans l'idée vieille, on cache nos dents. On s'amuse à faire brûler des culottes. On se paluche pour choquer les bigotes. Depuis que René s'est mise à rouler, on sent qu'il mange des sous va interpeller. Les yeux tout rouges et le rire à la bouche. Manquerait plus que les infirmières nous touchent. Moi mon hospice, c'est le party. Morphine gratos tous les midis. Les pistolets sont remplis de bière. C'est la vie de pervers bébé. Moi mon hospice, c'est le party. Morphine gratos tous les midis. Les pistolets sont remplis de bière. C'est la vie de pervers pépère. On lâche des bières dans tous les couloirs. On cache nos clubs dans nos beaux tiroirs. On regarde des films de cul à la téloche. Ça vous dit des nos vieilles caboches. Jeudi dernier on a coincé les soignants. La directrice l'a promis mort lente. Du coup on a tous chié dans son bureau. Depuis cette pute est en maison de repos. Moi j'en rigole avant de clamser.